de la lumière, de la lumière. Ce cri de Goethe mourant, nous le répétons tous, nous autres, citadins enfermés au dédale des rues, dans les ruches des immeubles, bientôt new-yorkais, en ces capharnaüms de bâtisses qui montent leurs étages vers le ciel, et l'on va se loger très haut pour avoir du jour, de l'air, de la verdure aussi. On citait jadis le père de M. Locroy, Philippe Locroy, cabotin et librettiste, qui avait installé un verger au 5e rue Vivienne et, pour ses poires superbes, remportait des prix aux expositions. Dans Grandeur et décadence de César Birotteau, Balzac nous dit de son monsieur Molineux, il demeurait dans un des angles, au 6e étage, par raison de santé. L'air n'était pur qu'à 70 pieds au-dessus du sol. Là, ce bon propriétaire jouissait de l'aspect enchanteur des moulins de Montmartre en se promenant dans les chenaux où il cultivait des fleurs, nonobstant les ordonnances de police relatives aux jardins suspendus de la moderne Babylone. Ces jardins suspendus se créent un peu partout maintenant dans la ville. Il en est rue de Valois, au 7e, des terrasses de 600 mètres plantées d'arbres en plein rapport. Il en est place de la Concorde, au sommet de l'Automobile Club. On prend l'ascenseur pour aller trouver le rocking chair de la sieste. En 1900, le panorama de Paris sera tout égayé ainsi de parcs en miniature, juchés entre les cheminées, sur les toits. Mais cela, qui fait partie des nouveaux plans des architectes actuels, manque naturellement de pittoresque et de fantaisie. Combien plus intéressant les simples balcons des boulevards, celui de Madame Ratazzi, où s'étiole symbolique un caoutchouc disgracieux comme parcheminé, celui de Séverine, où elle tient son fameux carnet pour tous les moineaux d'alentour, voici d'elle-même un précieux texte à la jolie eau-forte de Béjot. C'est la saison des nids. Sur mon balcon, le plus beau de Paris, s'il vous plaît, les moineaux piaillent, s'ébrouent, se font de l'un à l'autre sexe 1000 révérences et 1000 grâces, parmi les huppes vertes des jeunes pousses. Sous l'ingénu soleil d'avril, ils viennent, par couple, visiter mes appartements alloués, les 6 pots de fleurs troués, accrochés, perdus dans la verdure des entre-fenêtres, douillettement garnis à chaque renouveau par mes soins de crins, de duvets, de brins de laine, enfin de l'installation nécessaire. Je loue en meublé, je tiens gargote aussi, dans les 2 grands plateaux suspendus, pleins de chenevis et d'au moins chacun 12 couverts, soit 24 convives à la fois, et la table d'hôte ne désemplit pas, car ceux qui s'en vont contents m'envoient du monde, c'est dire. Il en vient de Montmartre, ébouriffé, de la plaine Monceau, très snob, du fond de Grenelle, un peu guap, de Picpus, très faubourien. Ils arrivent, picorent, s'envolent. Parmi eux, je suis populaire, cela est sûr. Et parfois, dans mes promenades lointaines, voyant un Pierrot qui se penche et me regarde de côté d'un air entendu, je me dis « c'est un client ». Il y a de la mauvaise pratique, et même des cambrioleurs. Les bêtes ont trop fréquenté l'homme, cela devait arriver. Parfois, on me dévalise. L'endroit ne leur convenant pas, d'indélicats oiseaux font une cloche, emportent le mobilier. Et pas la cloche anarchiste, où l'on n'emporte que son bien, après tout, pour le sauver de la saisie, mais la cloche de droit commun, où il est attenté à la propriété d'autrui. Ils viennent, s'installent, font les satisfaits, m'abusent, endorment ma vigilance. Puis, un matin, il ne reste que la poterie. Pris de la nostalgie d'on ne sait quelle cheminée, d'on ne sait quel trou, ils ont voulu concilier le bien-être rencontré ici avec leur prédilection pour l'ancien foyer. Laine, duvet, crin, bout par bout, plume par plume, ces gredins ont tout emporté. Et dépourvus de sens moral, ils me viennent encore narguer, continuent de se venir alimenter chez moi, y font la sieste, à l'ombre, et m'amènent, très fiers, leur tiolet de petits. Le restaurateur ne chôme pas, alors, et cela me vaut des minutes délicieuses où le tapage de tous ces mioches m'interrompt de travailler, de lire ou d'écrire, tandis que le père et la mère s'actionnent à la béquée. Elle est ainsi, la bonne dame des petits, des humbles, des prolétaires, ou plutôt elle était, et c'est imparfait et mélancolique, car la maladie est venue, la maladie, hélas, snob, Paris a été délaissé pour la province, le boulevard Montmartre pour Pierrefonds. Il fut le fameux balcon. Séverine lui a écrit un adieu touchant. Il fut mon balcon. Il fut même célèbre parmi les amateurs de jardins suspendus. Et le voici devenu, tel qu'à mon arrivée dans l'immeuble, désert de pierre où même la racine d'un menu brin d'herbe n'arrivait pas à se fixer. C'est très laid, Le voisinage a pris une physionomie de reproche. Les moineaux même, dont cependant la table est demeurée servie, pépient des couics de blâme tout au long de la rampe de fonte. Avant celui-là, il y avait déjà eu un exode de la maison du cri du peuple à celle de la libre parole. Mon nid changea de toit, il fallut transférer pied par pied, avec quelles précautions et quelles délicatesses, l'artificiel paradou. Chose curieuse, les oiseaux suivirent. En récompense, j'accrochais dans les entrecroisées des pots de fleurs troués et garnis de crins, de duvets. Les mangeoires familières, où les mioches ailées, menées par leur maman, disparaissaient dans le grain jusqu'au bec. Et l'on recommença de vivre ensemble, bêtes, plantes, gens, les soirs mélancoliques et les matins joyeux. L'aventure pittoresque est terminée. Je songeais que, pour mes camarades de tant d'années, l'heure du repos était venue. Que là-bas, à Pierrefonds, dans le beau sol franc, suivant un mur aux pierres moussues, il était un joli coin dominant la vallée, où elle serait si heureuse, dans la sérénité de la campagne. Plus de bruit vain, de chaleur calcinante, plus de souillure de suie, ni d'air empesté de la buée des haleines. Et ce fut vite fait, et de mes mains, pieusement, je les ai couchés, dressés, en la calme retraite qu'a choisie ma prédilection. À l'abri des rayons brûlants, à l'abri des rafales sanglantes, elles vont, libérées de l'humanité, croître et s'étendre. Elles retournent à la bonne nature, leur mère, leur créatrice, après avoir 13 ans durant vécu l'intense vie parisienne, donné aux citadins l'illusion, aux oiseaux l'abri, à mon front de l'ombre, à mes yeux l'aumône de leur grâce ou de leur fantaisie. Elles n'entendront plus que les angélus, doux et graves, tombant du vieux clocher, le chant des merles, les appels des bouviers à l'horizon, et parfois la chanson d'un bûcheron au pas traînant, la cognée sur l'épaule, revenant d'abattre l'arbre qui, en fumée, deviendra nuage et calmera la soif des autres arbres dans l'ondée où rit le soleil. L'estampe, enclose ici, est donc maintenant documentaire, représente un aspect de Paris qui n'est plus adroit aux archives de la ville. Cette bonté indulgente de Séverine, qui s'étend à toute la nature, se serait certes associée à celle du regretté maître Cladel en faveur de Kerkadec, le garde-barrière. Posté à un passage à niveau en rase campagne, ou bien à une aiguille à la sortie de Paris, ayant une responsabilité permanente, l'employé de chemin de fer est un des rouages les plus dignes de pitié de la grande machine humaine. Cet homme qui, à une minute précise, en faisant manœuvrer un levier, dispose de notre existence, tient notre vie entre ses mains, envoie les trains à la station ou, à la mort, pour ce qui est supposé, un enfiévré, un anxieux, un nervosif. Tandis qu'au contraire, familiarisé avec sa profession, incrédule aux accidents, ingénument fataliste, il en arrive à faire son métier monotonement par habitude, il obéit à la routine, et au milieu de cet enfer de roulement, d'ébranlement, s'amuse, entre les heures de train, à jardiner. Les postes d'aiguilleurs, en avant des autres du pont de l'Europe, montraient leur petit jardin nu. Telle est la description sommaire de Zola dans La Bête humaine. Il ne connaissait pas celui que nous montrons ici, à l'orée de la ville, entre les fortifications et le Valois-Perret. La cabane est enguirlandée de feuillages, et, entre des bordures faites avec de vieilles caisses, il y a parmi l'arachnéenne confusion des voies qui se mêlent, bifurquent, se prolongent. Il y a un tranquille potager, un calme minuscule potager de village, où les salades sont bien alignées, où les petits pois prospèrent, où les asperges même font leurs 5 ans. Ici, la grande ligne avec les rapides de Cherbourg et du Havre, éclairs inaperçus, là, les convois de bestiaux aiguillés sur de vagues batignolles, mugissements éplorés dans les affres de la faim utilitaire, les uns et les autres lui indiffèrent. Il bêche, il bine, il pioche, il plante, il arrose, et se distrait à regarder fleurir ses soleils comme le bourgeois des Raffaelli. Il pourrait regarder aussi le merveilleux décor qui s'évase à l'horizon, limité là-bas par la colline montmartroise, où les laides architectures, hélas bientôt finies du Sacré-Cœur, blanchissent les si délicieux échafaudages. Au premier plan, c'est au-dessus les pelouses pelées des talus des fortifs, les bâtiments neufs des magasins de décor de l'opéra et de la Comédie-Française. Puis, une montée de faubourgs, tumultueuse, entassée, d'où suintent des fumées grêles, et, après, le versant de la butte, avec ses caravansérails d'ateliers d'artistes, ses alignées de maisons comme perchées sur pilotis, ses vitres innombrables dans lesquelles, à l'heure du coucher, le soleil allume des brasiers d'incendie. S'il tourne le dos à sa cahute, s'il boude l'agglomération de la ville, et que son regard s'en aille comme les trains qui passent des files vers la banlieue suburbaine, alors c'est, après le sinus jaunâtre de la Seine, les verdures espacées d'Anières, les coteaux d'Anguin et de Montmorency, le moulin de Sannois et la barre sombre de la forêt de Saint-Germain que souligne la terrasse limitée aux tourelles du palais et à l'aqueduc de Marly. Et tout ce vaste paysage aéré lui donne l'illusion d'une existence retraitée en pleine nature, d'une fin d'existence très calme, inquiétée seulement par les aléas de la récolte, les gelées tardives qui brûlent les jeunes plants, les ondées d'orage qui noient les pousses, la sécheresse néfaste. Le vieil invalide, lui, ne fait pas la culture si en grand. Il a moins d'ambition, d'ailleurs, là-bas. La marmite bout tous les jours, et retraité, il est nourri. Son jardinet n'est donc que pur objet de luxe. Il y a une tonnelle pour muser les méridiennes de l'été, un banc où s'asseoir la carcasse, malmenée sur les champs de bataille, et des fleurs pour adorner une statuette de l'empereur, mise là, sur son socle, par un ancien. La napoléonite se continue, mais sans conviction, par habitude, et cette effigie fait encore partie intégrale du clos, bien que les vétérans de la grande armée soient depuis longtemps disparus. Cet entr'acte de pierre l'est plutôt de ferraille, emprisonné qu'il se trouve actuellement entre la fastidieuse tour Eiffel, l'épouvantable et monstrueuse roue de Paris et les embryonnaires laideurs de l'esplanade. Parmi toute cette métallurgie encombrante, il faut un effort de volonté pour goûter la quiétude des petits jardins alignés sur la terrasse, bordés de canons glorieux et inoffensifs, pour admirer cette coupole d'or sous laquelle gît dans une crypte l'homme prédestiné. Le prêtre est plus heureux que le soldat. Il ne subit pas l'atteinte des bouleversements. Le décor est immuable dans lequel il mène sa vie de calme et de recueillement. Il a gardé son attitude des siècles passés. À l'ombre des vieilles tours, toutes sonores de cloches, les mêmes sculptures fleurissent toujours. Au sommet des piliers grimacent les mêmes gargouilles. Dans les niches des colonnades s'érigent les mêmes saintes et saints aux chefs décapités. Et si la pierre n'était noircie par les ans, écornée par la pluie et le soleil, lézardée par l'âge, on aurait la douce illusion de se croire en une époque lointaine, en ce temps superbement romantique, où la suave et laide figure de Quasimodo épiait la louche et sadique passion d'un Claude Frollo. Cependant, une toute petite modernité s'affirme çà et là, entr'acte de pierre. Le bon curé de maintenant a lui aussi la passionnette d'un brin de verdure, d'une palette de parfums, d'un peu de nature souriant parmi l'austère poème de foi. Et que ce soit sous la fenêtre de l'archiprêtre de Notre-Dame ou bien à la balustrade de l'église Saint-Merry, il se plaît à faire grimper des glycines, à faire fleurir des roses. Le moine de jadis enluminait, l'ecclésiastique d'aujourd'hui jardine. Et c'est tout à fait charmant, ces oasis printanières qu'on voit çà et là sur des terrasses d'églises, dans des enclaves de presbytères. La simple soutane fait une tache noire parmi les massifs, les corbeilles. Le pasteur des âmes semble s'apprendre et répéter avec les fleurs. Les fleurs, elles sont aussi la joie des pauvres femmes qui n'ont plus d'âme, de ces êtres flétris, désemparés, aux regards fixes, aux cheveux en désordre, aux lèvres marmottantes, aux gestes brusques, à la démarche désaccordée, de ces déchets d'humanité qui errent, somnolent, glapissent, rugissent, pleurent et rient là-bas, à la salpêtrière. Une véritable ville en un faubourg de la ville, de grands bâtiments qui datent de Mazarin. Entre eux, des carrés de jardin, un qu'on appelle la hauteur, semble quelques coins de parc enlevés à Versailles, avec ses terrasses, ses avenues de grands arbres, ses ronds-points, ses perspectives. Toute cette verdure donne à l'aspect général de la salpêtrière presque un air de gaieté, quelque chose comme l'impression d'une maison de retraite, une villégiature en pleine campagne, mais tout de même dans un pays de souffrance, où la nature a altéré les formes de ses créatures, déprimant les crânes, atrophiant les membres, immobilisant des jeunesses en des poses d'affaissement sénile, émaciant des visages, contorsionnant des anatomies, caricaturant le grotesque et l'horrible. Une vision parfumée néanmoins se trouve en cet enfer au moment des lilas. Après la neige carminée et féconde des cerisiers, des pommiers, avant l'épanouissement somptueux de la splendeur des roses, avant aussi la candide éclosion des lys, l'éclatance douce parmi le feuillage léger des grappes mauves, rosées et blanches, marque une exquise minute de la belle saison qui débute. Et au-dessus des haies, dans la masse des verdures où s'égrènent les causses des marronniers, c'est comme un panache d'enseignes printanières. Je me souviens d'une folle qui chantait « Les lilas sont en fleurs, bientôt fraîches et closes. À l'air pur du matin vont s'éveiller les roses. » De qui ces vers enguirlandés, tournoyant sur un rythme lancinant de valse populaire, et qui, bien que prononcés par une recluse, m'évoquèrent aussitôt les retours de banlieue des dimanches, les refrains ivres des soirs, les bras en serrant les tailles, les paupières comme mi-closes, pour ne pas trahir par des regards énamourés les consentantes étreintes, les jambes lasses alanguissant la marche, les bras chargés de bottelées de lilas. C'est véritablement une des bonnes charités de la nature, cet arbuste qui donne sans compter, qui enjolive les sentes, réjouit les bosquets, qui met ses grappes à la portée de la main, les balance au-dessus des têtes, en embaume l'air à profusion. Le passant le cueille, le lilas par branches touffues, la feuille mêlée à la fleur, on n'a pas besoin de le disposer à la manière des professionnelles bouquetières, en arrangements combinés, plus ou moins symbolistes, plus ou moins harmonieux. Il vaut par lui-même, se suffit, sans entour, sans ambiance, sans collerette de papier. Il doit rester le charme vivace ayant poussé librement. Sur les quais de l'île Saint-Louis, au haut de l'escalier des bateaux-lavoirs, ce sont des arbustes, civilisés, pourrait-on dire, qui vivent dans des boîtes carrées avec de fausses élégances d'orangers en caisse. Placés comme des sentinelles de chaque côté du perron de fer, ils donnent, par les lourds soleils d'été, un maigre ombrage, mettent sur les larges pavés du bord de toutes petites oasis de fraîcheur, montrent des végétations mièvres qui se reflètent dans l'eau incessamment remuée par les toueurs tirants des chalands, par les bateaux-mouches qui jouent de l'hélice, et plus près sur les berges par les chevaux qui se baignent, les chiens qu'on lessive, les gamins qui s'amusent. En face, les vieilles maisons s'alignent, inégales, bossuées, aux pignons moisis, aux enseignes innombrables, aux multiples commerces d'allure provinciale, avec des cabarets poussiéreux, des bureaux de placement tranquilles, des boutiques pour pêcheurs à la ligne. Avoisinant le jardin des plantes, la halle au vin est plus tumultueuse, davantage populacière. Une foule s'y agite, des fontaines coulent pour les rinçages, les haquets sans ridelles laissent glisser les barriques sous les cordes lâches. Les chevaux s'ébrouent à la file, on clame des appels de numéros, les douaniers circulent armés de leurs sondes, on discute, on achalande, on goûte, on claque de la langue, et une atmosphère vineuse fait s'étioler les lauriers roses dont les racines manquent de terre dans de vieux tonneaux défoncés, dont les branches essaient en vain de s'écarter, de forcer les cercles qui les enserrent. Ces alignées d'arbustes, mal soignées et ternies par la poussière environnante, par le remuement des arrivages et des charrois, sont emblématiques distractions de marchands de boissons. Tous les troquets en ont ainsi dans la ville, par leur devanture de ces quelques feuilles piteuses que le garçon époussette et que les chiens arrosent. Ceux du quai de Bercy ne valent pas mieux, sont aussi dégénérés, souffrent autant de leur séjour urbain, et il faut plaindre les pauvres mercenaires du labeur quotidien qui ne connaissent que ce semblant de végétation maladive, anémiée, chlorotique. Pour le jardin de l'éclusier, pour les caissettes des péniches, pour le platane de l'opéra, pour la vigne de l'Institut, pour le balcon de Séverine, pour le potager de l'aiguilleur, pour la tonnelle de l'invalide, pour la terrasse du curé, etc., la chose essentielle, primordiale, qu'il a fallu et qu'il faut, c'est la terre, c'est l'humus. Il se trouve un endroit où on l'a aussi bonne que possible, grasse et fertile à souhait, c'est au cimetière, et là les fleurs deviennent entr'actes de tombe. entre les dalles blanches épigraphiées de noms et de dates, les caveaux orgueilleux, les simples croix de bois, innombrables, se pressent ces traductions colorées du culte qu'on garde aux morts. Bordure de buis, prime vert, immortel, la nomenclature est superflue. L'enclos des souvenirs est un véritable jardin aux aspects variés. Qu'il soit situé à Montmartre, au versant de la butte, parmi une façon de forêt idéalement pittoresque, ou bien au Père-Lachaise, dans la banalité de l'immense nécropole, ou encore en déloigné faubourg de banlieue, c'est toujours une façon de square au massif bien rangé, aux plates-bandes bien ordonnancées, aux corbeilles dignes d'historier des pelouses. Il n'importe même de le considérer en telle ou telle saison, il est incessamment fleuri. La fidélité aux chères mémoires sait renouveler ses expressions, et les parterres funèbres s'entretiennent et se varient tout au long des 12 mois de l'année. À côté des verroteries hideuses, des couronnes de métal découpées, des ex-voto mensongers, il y a, ne fût-ce qu'un simple bouquet, fleurette de printemps ou d'automne, acquisition faite en venant à la petite voiture de la marchande qui crie « La violette, la belle violette, le muguet des bois, voici les roses de Nanterre ». Cette chose éphémère part cette éternité, la mort, et suffit à l'idéaliser, ce qui est nécessaire si l'on se rappelle la description de Balzac dans Ferragus. Il y a des bons mots gravés en noir, des épigrammes contre les curieux, des concetti, des adieux spirituels, des rendez-vous pris où il ne se trouve jamais qu'une personne, des biographies prétentieuses, du clinquant, des guenilles, des paillettes, ici des tirses, là des fers de lance, plus loin des urnes égyptiennes, ça et là quelques canons, partout les emblèmes de 1000 professions. Enfin, tous les styles, du mauresque, du grec, du gothique, des frises, des auves, des peintures, des urnes, des génies, des temples. C'est une infâme comédie. C'est encore tout Paris, avec ses rues, ses enseignes, ses hôtels. Mais vu par le verre dégrossissant de la lorgnette, un Paris microscopique réduit aux petites dimensions des ombres, des larves, des morts, un genre humain qui n'a plus rien de grand que sa vanité. Le puissant spectateur de la comédie humaine, dont le buste là-haut sur la colline domine Paris, ne s'est pas attardé aux entr'actes des tombes. Il n'a pas vu cet entour de feuillages et de corolles qui enlacent seuls les sépultures, cette coquetterie que l'on a de fleurir le passé et les disparus, ce joli motif de croquis à l'eau forte pour illustrer une plaquette. Oui, l'alpha et l'oméga, c'est la terre, c'est l'humus. De là vient la fleur. Là, elle retourne. C'est le commencement et la fin de tout. Roses à laitière, orchidées triomphantes, branches de lilas, liliales, il arrive une heure, une minute, où, sans attendre que se termine votre agonie, l'on vous jette à la borne et le biffin de Gennevilliers vous prend parmi les débris lamentables. Attelée d'un pauvre âne pensif et résigné, geignante sur ses ressorts, brinque ballante, la petite charrette passe et, comme celle de la terreur, ce sont des condamnés qu'elle emporte.